Domnul Iisus Hristos. M-a îngăribit-o la mância celor mai de oameni din Iisus Hristos. Nous vous avons annoncé que nous avons une visiteuse, c'était le pasteur Timothée. Je vais vous engager à pouvoir ne pas voir la Mugeni, le point du pasteur Timothée. Mais il y a eu un contretemps de service. On a pu y avoir un Kidoko, qui a vécu à Kasi. Il a été rappelé au travail. On a dit à Kasi. C'est pourquoi il viendra plus tard. Demain, on a pu y avoir un Nous allons parler cette semaine. Tu as du maïs tout à semer. Si on ne termine pas, nous continuerons après la visite du pasteur Aaron de Bambou. Ah, comme tu m'as dit, tout un délai à qui je m'attendais, il y a pasteur Aaron de Bambou. Il est prévu que celui qui commencera la semaine prochaine, cela est la volonté du Seigneur. Et qui va nous appeler à Mungu, il y a ta foi pour du maïs. Le pasteur Kazazwa Kalenga doit tous saluer au nom du Seigneur. Pasteur Kazadi, nous saluons au nom de la Bible. Levons-nous pour la prière et la lumière de la parole. Je m'amène à ma honte, mais nous sommes dans le monde. C'est ma naroya. C'est toi qui es la source de vie. Et tu es même la source de bonheur. Te disons grand merci pour ton amour, pour ta protection et pour ton salut que tu nous as accordé à travers le calvaire. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as accepté notre place. Toi l'homme saint, toi l'homme juste, à la place des injustes que nous sommes, toi un homme éternel, tu as pris la place des mortels afin de nous élever dans ta gloire. Seigneur, nous nous sentons très petits à l'égard de ce que toi tu as accompli pour nous au bois du calvaire. C'est pourquoi nous venons humblement avec nos cœurs qui s'humilient devant ta présence. Seigneur, pardonne nos péchés. Nous ne valons rien, Seigneur. Nous sommes insignifiants devant ta face. Dieu est tout puissant. Mais à travers Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie au bois du calvaire, acceptez-nous tels que nous sommes. Non pas parce que nous sommes des hommes bons, non pas parce que nous sommes une église meilleure, mais à cause de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Nous te recommandons de le servir de ce soir entre tes mains. Bénis chaque frère et chaque soeur. Donne-nous un entendement meilleur. Nous voulons qu'en quittant ici, nous puissions dire qu'il est agréable que nous soyons dans la présence du Seigneur. Guéris nos malades. Guéris nos maladies spirituelles. Seigneur, amène dans nos cœurs la répentance. Nous voulons marcher dans la sainteté jusqu'à ton retour. Seigneur, aide-nous à saisir cette parole et à y marcher avec fermeté pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Bénis les lèvres qui vont parler. Bénis mon frère qui va m'interpréter. Souviens-toi que nous sommes des hommes. La parole est devant nous. Le Saint-Esprit le seul à l'ouvrir. Et qui peut l'interpréter pour nous dans nos cœurs. Fais-le pour la gloire de ton nom. Bénis les offrandes et les humains à l'apporter. Souviens-toi de nos frères qui sont malades. Sont en péché, les autres sont en voyage, les autres sont au boulot. Seigneur, tu connais leur cœur et accorde à chacun d'eux la bénédiction que tu leur as réservée. Nous te recommandons toutes choses, que tout se fasse pour ta gloire. Pour ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans Ésaïe 6. Tout comme Kitabu Yesaya Sita. Commençons au verset 1. Tanja Moussera Kemoje. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mwaka wa kifo ya mfalme Uzia nikaona Bwana mwenye kuketi kwa kiti cha enzi juu sana. Elle pende sa robe remplissait le temple. Na upinde ya kanzu yake ilikuwa na jai kali. De séraphins se tenaient au-dessus de lui. Juu yake kulikuwa maserafino. Ils avaient six ailes. Wakawa na mabawa sita. Deux dont ils se couvraient la face. Mawili wanajifunika kwa uso. Deux dont ils se couvraient le pied. Mawili wanajifunika kwa miguu. Et deux dont il se servait pour voler. La mawili on a tenu à Kapuruka. Il criait l'un à l'autre. Walikuwa la mika mmoja na wengine. Et disait. Na kusema. Saint. Takatifu. Saint. Takatifu. Saint. Takatifu. Et le tenait des armées. Ni Bwana Mungu wa majeshi. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ni yote na jana tukufu wake. Les portes furent ébranlées dans leur fondement. Na milango ikatengeshwa katika visingizi vyao. Par la voix qui retentissait. Kwa sauti ilikuwa napaza. Et la maison fut remplie plus de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu milieu du peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'écriture de sa parole. Je crois de tout mon cœur que ce soir, nous nous trouvons devant la présence du Dieu Saint comme des pécheurs indignes, dont les cœurs et les pensées sont souillés, dont les lèvres, les oreilles et l'esprit essuyés. Nous sommes réellement comme des impurs devant sa présence. Et nous ne méritons rien. Et notre prière est que le Seigneur et que ce séraphin, que Dieu envoie ce séraphin tenant à la main une pierre ardente, qu'il vienne purifier nos lèvres, nos pensées, nos cœurs, afin de bien les servir. C'est lorsque les lèvres de cet homme de Dieu furent purifiées qu'il était maintenant à mesure de répondre à l'appel de Dieu. Aucun homme ne peut servir le Seigneur avec des vêtements souillés. Aucun homme ne peut servir le Seigneur avec ses lèvres souillées. Aucun homme ne peut servir le Seigneur avec un cœur inconverti. Nous avons besoin de Dieu dans tout ce que nous faisons et nous voulons qu'il fasse quelque chose à notre égard, ainsi nous serons dignes de le servir. Il est saint et il est trois fois saint, et ses serviteurs doivent être saints. Et nous sentons que nous sommes réellement insignifiants. Ce soir, nous voulons parler sur un sujet que Frère Branham a apporté, les influences. Beaucoup d'influences. Il a prêché un message. Il a prêché beaucoup des influences. Il a prêché l'influence à plusieurs endroits, et de plusieurs manières, et il a aussi prêché les influences. Nous voulons ajouter une petite pierre à ce que les hommes de Dieu ont déjà dit. Parce que nous sommes réellement au temps de la fin. Et je crois de tout mon cœur que le peuple qui attend le retour du Seigneur doit être lavé de toute impureté et de toute souillure. Quand l'Écriture dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu peux être sauvé ayant dans votre âme la véritable nouvelle naissance venant de la véritable parole de Dieu, la parole de vérité et venant de l'esprit de vérité. Mais sans une vie sanctifiée, tu ne verras pas le Seigneur. Sans une vie sanctifiée, je ne verrai pas le Seigneur. Sans une vie sanctifiée, il nous sera impossible de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas dans un cœur suivi. Il ne peut pas venir dans une fosse sceptique. Il viendra dans un cœur sanctifié. Un cœur lavé par l'eau de la parole. Et je le crois de tout mon cœur. Parce que c'est cela qu'enseigne les saints écrits. Et nous sommes un peuple qui attend le retour du Seigneur. Nous sommes les ouvriers de la dernière ère. Ces ouvriers qui auront le même salaire que les ouvriers de la première ère. Et chacun de nous doit se tenir sous ses gardes pour ne pas rater ces grands moments, ces grands événements que nous attendons, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le pasteur Kizabi nous l'a dit pendant ce jour et même dimanche, le réveil vient parmi un peuple qui est racheté et qui mène une vie sanctifiée. Le réveil ne viendra jamais parmi un peuple suivi. Nous pouvons chanter comme nous voulons. Nous pouvons recevoir des enseignements comme nous le voulons. Nous pouvons lire toute la Bible et tous les messages comme nous voulons. Mais si le peuple de Dieu ne mène pas une vie sanctifiée, certainement le réveil s'éloigne d'eux. Et il est difficile d'avoir un véritable réveil. Le réveil comme Frère Branham l'explique, ce n'est pas amener beaucoup de gens dans l'église. Ce n'est pas remplir l'église de beaucoup de gens. Ce n'est pas baptiser beaucoup de gens. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent dans l'église. Ce n'est pas avoir beaucoup de biens dans l'église. Le réveil, c'est sortir du sommeil. Ces groupes de gens qui sont déjà appelés. Ces gens qui sont déjà sauvés. Ces gens qui sont déjà sous le sang de l'agneau. Pour qu'ils prennent conscience de l'état dans lequel ils se trouvent. Qu'ils prennent conscience de ce qu'ils font. Et qu'ils attendent le Seigneur avec attention. Pour qu'ils ne soient pas distrait par les choses qui se passent autour de la vie. Tu l'attendais quand même. Le réveil, amsho, c'est sortir du sommeil, niku toka musingisi, c'est qu'on a déjà. Il est musingisi trobo. Non, il est déjà qu'on a. Bal bam déjà qu'on a. Ah, sortir du sommeil déjà qu'on a. Ah. Bien que le réveil peut amener d'autres gens à croire. Ita pokole amsho taweza kufikisha watu wengine kuamini. Mais le réveil lui-même, la guine âme chenille, s'est réveillé, ni quoi amusha, ceux qui ont déjà cru, ou allez voir chez Aminizaman, mais qui dorment, la guine va en alala, qui dorment dans le péché, ou en alala katika zambi, qui dorment dans les distractions mondaines, ou en alala katika kudenganisha, qui dorment dans les futilités, ou en alala katika vitu ya qui dorment dans la politique, ou en alala musiasa, qui dorment dans les affaires du monde, ou en alala muma biashara, alors le Saint-Esprit, viens pour frapper à leur porte afin de leur dire que ce n'est pas le temps de dormir parce que l'heure est grave. Les sortir du sommeil pour qu'ils mènent une vie sanctifiée, une vie qui les rapproche plus du Seigneur. Oui, bien aimé frère. Ça, c'est la pure vérité. Quand une église est liée à des compromis, il n'aura pas de réveil. Quand l'église est liée à des compromis, à des fausses doctrines, à la mondanité, à l'habillement indécent, au péché et aux distractions, l'église tombe dans la froideur et l'Esprit du Seigneur est chassé loin d'elle. Parce que le monde l'influence. Les fausses doctrines l'influenceront. Les compromis influencent l'Église dans un mauvais sens. Les habillements indécents, le péché ne peut pas aider l'Église à se réveiller. Oui, bien aimé frère. Dio, duguna dada. C'est ce que nous voulons faire. Ni ile tunataka kufanya. C'est ce que la parole veut faire. Na ile neno la Mungu linataka kufanya. Ici dans l'écriture que nous avons lu d'Ésaïe au chapitre 6. Katika andiko ya Isaïe 6 tutatoka mkusoma. C'est Ésaïe qui raconte son expérience qu'il a eue à la mort du roi Ozias. Isaïe na bisi ya onjo yake alifanya mkufa kwa mfalme Ozias. Si nous prenons deuxième chronique au chapitre 26, makumi mbili na sita ya mambo ya siku ya pili. Là nous voyons la vie du roi Ozias. Hapa tutaona maisha ya mfalme Uzia. Ozias était un agriculteur, un berger. Uzia alikuwa mlimaji na wakuvuka. Il aimait beaucoup l'agriculture. Alipenda sana kilimo. Ozias n'était pas un homme comme le croyant d'aujourd'hui, qui n'aime pas l'agriculture, qui n'aime pas être berger, qui aime s'occuper d'autres activités, et il trouve qu'être un agriculteur c'est aberrant. Mais cet homme, bien qu'il était roi, mais il aimait beaucoup faire le champ. Il fut roi comme roi à l'âge de 16 ans. Umri wa 16 alipakaliwa mafuta kwa mfalme. Il avait de très bons parents. Alikuwa na wazazi wazuri. Des parents pieux. Wazazi watawa. Qu'il avait élevé correctement. Walimkomalisha sawa sawa. Ses parents l'avaient élevé dans la voie du Seigneur. Wazazi wake walimkomalishaka munjia ya Bwana. L'avait élevé dans la crainte de Dieu. Walimkomalisha katika roho ya Mungu. Et ce garçon est devenu un homme gentil. Na uji alikuwa mtoto jema. Il est devenu un homme juste. Mtoto wa haki. Dans sa vie, il craignait beaucoup le Seigneur. Katika maisha yake alikuwa anaogopa Bwana. La crainte de Dieu était devant ses yeux. Oga wa Mungu alikuwa anamshika. Et à l'âge de 16 ans, na umri ya 16, il eut grâce d'être un comme roi en Israël. Akapata neema ya kuwa mfalme katika Yuda. Avec la crainte de Dieu dans son cœur, na oga wa Mungu ndani ya moyo wake, le respect qu'il avait de Dieu et de sa parole, heshima alikuwa nayo juu ya Mungu na maneno ya Mungu, le Seigneur le fit beaucoup prospérer. Bwana alimbariki sana. C'est l'une des erreurs que nous commettons. Ni moja makosa tunayofanya. Lorsque nous ne voulons pas enseigner, pousser nos enfants dans la voie du Seigneur. Wakati ile atutake kuongoza watoto yetu katika njia ya Mungu. La bénédiction de nos enfants ne se trouve pas dans les études. Mabaraka ya watoto yetu iko kwa kusomesha. La bénédiction de nos enfants, de nos filles ne se trouve pas dans le mariage. Wala mibaraka wa binti yetu kuwaoesha. La bénédiction de chaque enfant qui naît dans nos foyers dépend de Dieu et de sa parole. La parole est une chose qui ne doit pas être négligée dans toute notre vie. La parole ne doit pas être négligée dans nos foyers. Et la parole ne doit pas être négligée dans la vie de nos enfants. Voilà tout soule neno la Mungu maisha. Nous dépensons beaucoup d'argent pour les études. Tunatoa sana mingi ya matifunzo. Nous dépensons beaucoup d'argent pour entretenir nos enfants. Tunatoa sana mingi ya kutunza watoto wetu. Mais nous faisons peu de sacrifices pour leur éducation selon la parole. Lakini tuwe tutolea kidogo juu ya neno la Mungu. Et c'est la plus grande erreur. Na hii iko sa kubwa. Que nous le croyant, nous les chrétiens, là, si comme avec Christ, que nous faisons, pour avoir la cause, un jour nous en rendrons compte devant le Seigneur. Si comme aujourd'hui, tu as envie, tu as envie d'amour, tu as envie d'amour. Ozias a eu de bons parents. Ozias a eu de bons parents. Et il a été élevé dans la voie du Seigneur. Il a été élevé dans la voie du Seigneur. Et il marchait dans la crainte. Et Dieu le fit prospérer. Dieu n'a jamais été ingrat. Et Dieu ne sera jamais ingrat à l'égard de tout homme qui le sert. Dieu sera toujours ses enfants. Mungu atalipa kila wakati watoto wake. Peu importe ce qui arrive, peu importe combien de temps de temps passe. Ijapokuwa wakati utapita. Mais Dieu, lakini Mungu, accomplira toujours sa bénédiction. Atatimiza mabaraka yake. Et ses promesses. Na ahadi zake. Sur ceux qui les craignent. Yule ya wale wanaomwogopa. Retenez cela, frère. Muchunge hii. Dans 2e Chronique au chapitre 26. Ma kumi bina sita ya mambo ya siku ya pili. Tout le peuple de Juda prit Ozias à l'âge de 16 ans. Taifa ya Yuda kachukua Uzia umri wa 10. Il établit roi à la place de son père Amatia. Na kumweka mfalme pa fazi ya baba yake Amatia. Ozias rebati Elot. Uzia kajengulula Elati. Et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Akeitisha chini ya nguzo ya Yuda kisha baba kulala. Ozias avait 16 ans. Uzia alikuwa na umri wa 16. Lorsqu'il devint roi, wakati alikuwa mfalme, et il régna 52 ans. Akatawala miaka 52 à Jérusalem. Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia. Mama yake de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Amatia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Mungu alimbariki. Si vous prenez le verset 10, juste la dernière phrase, il aimait l'agriculture. Il y a beaucoup de jeunes gens. On a déjà la wingi. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui ne veulent pas donner leur vie à Christ dans leur jeunesse parce qu'ils pensent que c'est trop tôt. Ils ont encore beaucoup de choses à faire. Ils ont encore devant eux la joie de la vie, la jouissance de la jeunesse. Ils ont encore une vie à mener. S'ils croyaient au Seigneur Jésus-Christ, cela va les empêcher à se réjouir cette partie de la vie. Et là, ils commettent une très grosse erreur. Obanam dit, il arrive de fois que Dieu appelle un enfant dans son bazar. Le Saint-Esprit frappe à son cœur. Mais le jeune homme dit, je suis encore un enfant, je ne peux pas croire, je ne peux pas donner ma vie parce qu'il y a encore le plaisir mondain devant moi. Il rejette l'offre de Dieu, il avance dans la vie sans Dieu et il attriste le Saint-Esprit et il perd complètement sa chance. Et sa vie ira de mal en pis. Il y a beaucoup de gens que nous voyons aujourd'hui dans notre cité. Des jeunes gens et des jeunes filles qui mènent une vie des fois que nous déplorons. Une vie entièrement consacrée à Satan. Vous sentez, vous voyez qu'ils sont réellement liés. Et vous avez pitié d'eux. Des fois, ils viennent tout autour de pasteur. Pasteur, priez pour nous. Nous ne voulons plus cette vie ici. Il peut vous suivre, sachant que tu es une chrétienne ou un chrétien pour te dire, priez pour moi, aidez-moi. Je ne sais plus que faire. Mais si vous vérifiez dans la vie de cet homme-là, quelque part un jour, soit dans son enfance, il avait rejeté l'offre de Dieu. Il s'était fermé lui-même les chemins de retour. C'est pourquoi Ecclésiaste avertit les jeunes gens et dit. Regardez-moi sur mon bureau, les deux brochures, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement, quelque chose me vient à l'esprit. Disons Ecclésiaste. Vous voyez le mobile. Ecclésiaste nous dit ceci. Mobiri, on a oublié ensemble. Ecclésiaste chapitre 12. Mobiri, comme une ambiri. Nous commençons verset 1. Vous serez à Kemoj. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Tijana furai katika yanawako. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Toa moyo wako kwa furaha. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Les jeunes gens ont une fausse vision des choses de Dieu. Beaucoup de jeunes se trompent. Ils se disent, on a sema, les dieux du ciel ferment ses yeux anafunga macho yake au péché de la jeunesse. Kunzambi ya uyani. Et ils n'en comptent pas. Na Mungu akanisabu ile mazambi ya uyani. Ils n'en comptent pas. C'est un mensonge. Bongo. Ecclésiaste est très clair. Mubiri hapa ni wazi. Tu es jeune, réjouis-toi comme tu veux. Pendant tout ce temps-là de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie de la jeunesse. Fais comme tu veux. Marche comme tu voudras. Avance dans la vie selon les regards de tes yeux. Mais tu dois que pour tous les actes commis dans la jeunesse, Dieu t'en demandera compte. La pensée de dire Dieu ferme les yeux au péché de la jeunesse est un mensonge du diable pour tuer les âmes. Les seigneurs, on les sert quand on est jeune. Jésus lui-même nous a donné un exemple. Jean-Baptiste nous a donné un exemple. Dans la Bible, nous avons beaucoup de gens. Les Timothée. Voyez, des jeunes gens qui avaient cru dans l'âge de la jeunesse. Il y a eu des gens comme Samuel. Un homme qui n'a jamais goûté la jouissance de la vie. Il est sorti du sein de la mer. Après seulement qu'il soit, c'est vrai, il a été amené au temple. Et toute sa vie fut consacrée à Dieu. Et Dieu fit de lui un grand prophète. Il lui est un homme comme Jean. Jean-Baptiste. À l'âge de 9 ans, son père était sacrificateur. Baba, un souverain sacrificateur. Il pouvait étudier auprès de Gamaël. Il pouvait être un grand roi, un grand prêtre, un grand sacrificateur. Mais lakini, lorsqu'il reçut l'appel de Dieu, il alla dans le désert. Il sacrifia sa jeunesse. Il sacrifia ses études pour l'intérêt de la parole. Jésus lui-même a 12 ans. Vous connaissez l'histoire. Il était au temple. Voyez, il discutait avec les scribes, avec les docteurs. Oui, bien-aimé frère. Les jeunes gens doivent servir Dieu dans la jeunesse. Lorsqu'un enfant dit, il faut que je me réjouisse, que j'attende l'âge adulte, c'est à ce moment-là que je croirai, il lit son âme à l'enfer. Parce qu'aucun enfant ne sait pas le temps de l'appel de Dieu. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Hakuna kintu kya kweli mubuyana. Il n'y a rien de vérité dans la jeunesse. Buyana ni bongo. La jeunesse. Buyana ni kufuta mpepo. Il n'y a rien de vrai. C'est pourquoi un enfant intelligent cherche la face de l'Éternel quand il est encore jeune. Lorsque vous entendez l'appel de Dieu dans la jeunesse, répondez comme Esaïe. Mais voici Seigneur, envoie-moi. Mais lorsque vous rejetez cette offre, vous vouliez à l'enfer. Mais souviens-toi de ton Créateur, verset 3. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant arrive et les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Oui, bien mes frères. Ecclésiaste est très clair. Pendant que tu es encore jeune, souviens-toi de ton Créateur avant que les jours mauvais ne t'arrivent, avant que les malheurs ne fondent sur toi. Commencez déjà dès le matin. Commencez déjà très tôt matin. Commencez déjà dans ta jeunesse à chercher la face de l'Éternel. Vous ne perdrez rien du tout. Au contraire, vous gagnerez beaucoup de choses. Vous gagnerez Dieu. Vous gagnerez la vie éternelle. Vous gagnerez les bénédictions éternelles. Vous gagnerez les promesses éternelles. Et il est fondamental de chercher Dieu quand on est encore jeune. Faut qu'on en me dise ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De 5 en 5. Parce qu'il y en a deux. Il y a de 53 et de 5 en 5. Page 8, paragraphe 17. Nous irons encore prendre le paragraphe 21. Maintenant, il y a deux éléments justes pour quelques instants. Sur ce sujet, il y a deux éléments qui constituent l'être humain. L'un c'est votre esprit et l'autre c'est votre âme. Et l'esprit c'est votre faculté mentale, votre intellect. Et votre âme est une partie de Dieu en vous. Eh bien, un homme peut. Quand vous naissez dans ce monde, en tant qu'enfant, vous grandissez pour devenir une âme vivante. Et à l'âge de la raison, vous grandissez pour devenir une âme vivante et pour atteindre l'âge de la raison. Vous entendez l'évangile par un certain moyen. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles entendent l'évangile de plusieurs manières. Dans la maison paternelle, les parents les amènent à l'église, les parents les donnent des conseils, les pasteurs les donnent des conseils, les pasteurs les appellent au bureau pour leur dire: écoute ma fille, écoute mon fils, tu ne dois pas mener cette vie, tu ne dois pas faire ceci et cela, tu as des parents chrétiens, voilà la conduite que tu dois prendre. Attention avec les mots, il faut croire au Seigneur, il écoute l'évangile, il écoute la parole de Dieu. Mais vous entendez l'évangile par un certain moyen. Et quelque chose au fond de vous-même vous dit de recevoir Christ en tant qu'enfant. Depuis l'école de dimanche, notre frère fidèle vous a apporté la parole pour vous pointer le chemin qui mène à Christ. Étant devenu déjà un homme à l'âge de raison, tu as entendu plusieurs prédicateurs, les parents t'ont parlé pour te dire il faut croire. Tu as entendu prêcher la croix, tu as entendu parler des souffrances de Christ, tu as entendu parler de sa mort, tu as entendu parler de ses souffrances, de sa résurrection. Tu as entendu parler de ces choses-là. Et dans les fins fonds de ton cœur, une voix te dit: c'est le temps de croire. Eh bien, vous dites. Eh bien. Je suis encore trop jeune. Je vais encore attendre. Eh bien, c'est là même que vous commettez votre première erreur. Car vous avez attristé l'homme intérieur. Dieu ne va pas vous juger par cet homme-ci. L'intellect. Vous voyez, par votre homme ici. L'esprit. Cet esprit qui résonne. Par votre intellect. Il va vous juger par votre âme. Croyez bien, mes frères. Des raisons est capable de dire oui ou non à Christ. Et lorsque Dieu, par la son cœur, il n'y a pas de prendre des décisions. Comme on a entendu le pasteur faire l'appel à l'hôtel dimanche. Et là, dans votre cœur, Dieu te dit: c'est ça le temps de quoi? Et toi, par les raisonnements, tu dis: je vais attendre. Le bonhomme dit: c'est ça ta première erreur. Vous commettez la première erreur. Vous commettez la première erreur. Car vous avez attristé l'homme intérieur. Dieu ne va pas vous juger par votre esprit. Dieu va vous juger par votre âme. Lorsque ton esprit résonne sur la parole, si la prédication est écoutée, entendue, comprenez que Dieu n'a pas affaire avec ton esprit, tu as affaire avec ton âme. Ton âme a déjà grandi, tu es déjà une âme vivante, tu es déjà à l'âge de la raison. Quand quelqu'un arrive à l'âge de la raison, c'est le temps de prendre la décision. Une fois on a posé la question à Frobanan, il y a eu un garçon, un enfant de 6 ans qui voulait qu'il soit baptisé. Alors les diacres ont vu qu'il était trop enfant, ils sont partis voir Frobanan. Est-ce qu'il est possible que nous le baptisons? Frobanan me dit, aussitôt qu'il se répand, aussitôt qu'il croit et qu'il se répand, il est prêt pour le couloir de baptême. Croyez bien, mes frères, peu importe son âge. Mais les jeunes gens d'aujourd'hui ne comprennent rien. L'attraction du monde est très forte. Les mensonges du diable est très fort. L'éclat du monde est très fort. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup de nos enfants qui ont vécu dans les maisons chrétiennes, qui ont fréquenté la parole, qui ont entendu l'évangile, mais qui n'ont pas pris de décision, ils ont déjà commis la première erreur. Ils ont attristé l'homme intérieur. Vous voyez, beaucoup de gens ont la foi dans leur intellect, d'autres en ont dans leur cœur. Vous voyez, maintenant au paragraphe 21. Maintenant, pour me dépêcher, pour me dépêcher, nous allons droit au but. Nous allons droit au but. Si cet homme par son intellect finit par attrister, le Saint-Esprit continue à dire, tu dois croire. Et tu dis, eh bien, je suis encore trop jeune. Vous voyez, je suis membre d'église. Mais tu dois naître de nouveau. Vous voyez bien, mes frères. Tu ne peux pas dire, mon papa et ma mère sont les membres de cette église. Moi-même, je les suis. Dès mon naissance, c'est dans cette église que j'ai été présenté au Seigneur. J'étais à l'école de dimanche, j'étais dans la chorale, j'ai fréquenté les frères de cette église, j'ai grandi dans cette église. Ce n'est pas ça le problème. Non. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut ton âme. Tu as été présenté par les parents. C'est sur la base de la foi des parents. Mais tu as grandi dans l'église. C'est une bonne chose. Mais quelle est la décision? Quelle est ta décision à l'égard de Christ? Le Saint-Esprit nous a dit pendant la semaine passée que Dieu ne veut pas que nous soyons les membres de l'église. Nous ne voulons pas. Le Saint-Esprit nous a dit que Dieu ne veut pas que nous soyons les enfants de l'église. Il veut que nous soyons les enfants de Dieu. Nous devenons les enfants de Dieu. C'est par la voie de la nouvelle naissance. Vous voyez bien, mes frères, nous ne devenons pas enfants de Dieu parce que nos parents sont membres de cette église. Non. Vous voyez, oh, je suis encore trop jeune. Je suis membre de cette église. Vous voyez, non. Mais tu dois naître de nouveau. Eh bien, si je reçois ce genre d'expérience, si je nais de nouveau, si je reçois de nouveau, je ne saurais plus faire ceci ou cela, ou je ne saurais me rendre à tel endroit et faire telle chose. Eh bien, vous voyez, le diable vous dira que vous allez rater les bons moments, que vous allez perdre certains privilèges de la jeunesse. Il vous ment. Surtout vous les jeunes gens. Il vous ment. Vous voyez bien, mes frères. Il vous ment. Il n'y a aucun privilège dans la jeunesse. dans les plaisirs de la jeunesse. Rien du tout. Il n'y a aucun privilège dans ce que le monde offre. C'est le diable qui vous ment. C'est le diable qui nous ment. Si tu crois de ton cœur, si tu deviens une fille consacrée, tu deviens un garçon consacré à la parole, tu vas rater beaucoup de choses de la jeunesse. C'est un mensonge du diable. Dans la jeunesse, la jeunesse en Christ est égale à la mort. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé soeur. C'est le diable qui vous ment. C'est lui qui vous trompe. Pour vous dire que vous allez passer des bons moments. Qu'y a-t-il de bon à fumer? Qu'y a-t-il de bon à boire? Qu'y a-t-il de bon à courtiser les filles? Vous voyez, ou à coucher avec les hommes? Qu'y a-t-il de bon à s'amuser? Qu'y a-t-il de bon dans tous ces plaisirs que les gens font? Qu'y a-t-il de bon à aller au cinéma, aller dans un bar? Qu'y a-t-il de bon? Rien du tout, c'est zéro. Vous voyez, bien mes frères, c'est une grande distraction pour les jeunes gens. C'est pourquoi Ecclésiaste dit: souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. Oui, bien mes frères, il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas de jouissance. Non, bien aimé frère, c'est le mensonge du diable qui dit aux jeunes gens qu'il y a des bons moments dans la jeunesse. Si vous passez la jeunesse sans Christ, je risque d'être l'homme le plus malheureux, d'être la femme la plus malheureuse dans toute ta vie. Si tout, si Dieu, si le Saint-Esprit, dans l'âge de la jeunesse, avait frappé à ton cœur et que toi tu as dit, ce n'est pas le moment, tu seras le plus malheureux. Oh là là, vous ne devez pas boire, vous ne devez pas fumer, vous ne devez pas courir ça et là à ces lieux de loisirs. Eh bien, le Saint-Esprit est des millions de fois mieux que tout ce que le diable peut même vous offrir. Le Saint-Esprit est des millions de fois mieux, des millions de fois mieux que tout ce que le diable peut vous offrir. Le diable n'a que des mensonges, c'est Dieu qui a la chose réelle. Eh bien, vous n'avez pas besoin de vous enivrer de boissons fortes pour avoir un bon moment. Oh non, ce sont les pécheurs qui font cela. Ce sont les condamnés, les prisonniers qui font cela pour oublier leurs pensées et leurs soucis. Mais vous, en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien, en tant que jeune chrétien, vous ne devez pas faire cela. Vous voyez, en effet, je prêche depuis 23 ans. Et durant 23 ans, j'étais ivre du Saint-Esprit. Il est en soi une stimulation. Le Saint-Esprit est une stimulation. S'il y a la véritable joie, la véritable joie se trouve dans la parole. La véritable joie se trouve dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul écrit aux Éphésiens, dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyons ivres du Saint-Esprit. Que les jeunes gens, que les jeunes filles, que les vieillards, que les hommes adultes, que les pasteurs, que les diacres, que tout le monde soit ivre du Saint-Esprit. Voilà la joie éternelle. Une joie qu'on ne peut pas échanger avec les choses mondaines. C'est une erreur de rejeter Christ pour les plaisirs du monde. C'est une erreur de rejeter Christ pour les études. C'est une erreur de rejeter Christ pour un habillement indécent. désir sexuel. C'est une erreur de rejeter Christ ou l'ivresse de vin forte. Non, bien-aimé frère, le Saint-Esprit est le plus meilleur. Oui, bien-aimé frère, il est une stimulation du Saint-Esprit. Et cela ne s'arrête jamais. Cela ne s'arrête jamais. J'ai toujours la joie. J'ai toujours la paix. Je me sens toujours bien. Le Seigneur est ici. Même si je suis malade dans le corps, il me rend toujours heureux dans mon âme. Si les choses tournent bien, si tout va bien dans mon âme, et tout va bien dans mon corps, vice versa, cela ne change rien. Dieu est toujours là. Je suis toujours stimulé par simple, par le plaisir. C'est-à-dire, une joie ineffable et pleine de gloire du Saint-Esprit. C'est ce qu'il fait pour nous de croyants. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Un jeune homme ne peut pas rejeter le salut à cause de la jeunesse. À cause du plaisir de ce monde. Il commet une erreur irréparable. Oui, bien mes frères. Nous avons été jeunes. Nous avons cru encore jeunes. Nous avons commencé comme Frère Branham le dit. Ça fait maintenant plus de 30 ans. J'ai commencé la prédication encore trop jeune. J'ai prêché ma première prédication quand j'étais encore dénominationnel. À l'âge de 14 ans, j'ai prêché ma première prédication. Et quand le Seigneur m'a appelé à ce message, je n'ai jamais abandonné. Je suis toujours là. Vous voyez bien, mes frères, la même expérience que le prophète l'a fait. C'est ce que nous avons aussi fait. Vous voyez, c'est ce que nous voulons que chacun de vous fasse. Quand quelqu'un donne son âme au Seigneur, peu importe qu'il soit jeune, le Seigneur lui donnera la paix, la tranquillité, la joie, le plaisir de l'adorer, de chanter pour lui, de le servir, et il verra, il regardera les restes choses du monde comme de la boue et une perte de sang. Il faut servir Dieu quand on est encore jeune. Vous les jeunes frères, vous êtes les diacres, vous êtes les pasteurs, vous êtes les ministres de demain. C'est pourquoi de maintenant, donnez vos vies au Seigneur. Vous les jeunes filles, vous êtes les femmes des pasteurs, vous êtes les femmes des diacres, les femmes des prédicateurs, les femmes des serviteurs de Dieu. Gardez votre virginité. Vous servez le Seigneur avec cela. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Levons-nous pour la prière. Et nous continuerons demain. Jésus, Jésus.